Oye, ahí ve. Ça va trop vite. BPM détecteur. Pas mal ça. Attends. Bon, ça va trop vite. Donc pour moi, ça va trop vite. Cherche les paroles. Bon, ça va ramer, hein. Mon ordinateur il va fatiguer quand ça cherche. Alors, putain, il y a une publicité au milieu là. Putain, mais il en avait mis une tonne de paroles. Don't want to see a faucet better disappear. La gratte est loin? Ouais, par rapport à la batterie, ouais, non? D'accord. bien. We'll be right back. Merde, j'arrive plus. Il est où Titi? Il est pas là le Titi?